Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le procureur général de la République apporte un démenti par rapport à une vidéo de la radio britannique BBC qui montre un flot de sang coulant d'une parcelle située à Kinindo, à mairie de Bujumbura. Ce n'est pas le sang des humains, mais des chèvres, selon Sylvestre Nyanoui. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se montre préoccupé par les relations qu'il y a entre le Burundi et le Rwanda voisin. On fait le point dans cette édition. Le manque de carburant est toujours observé en mairie de Bujumbura et en province. Nous parlerons dans ce journal des cas du nord de la capitale Bujumbura et au chef-lieu de la province de Kirundo, au nord du pays, où le prix du ticket de transport a augmenté. Et puis, des habitants de la zone urbaine de Wienzi demandent la réhabilitation des conduits de déchets issus des toilettes. Pas mal de regards publics sont bouchés, ce qui n'est pas sans conséquences selon eux. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le procureur général de la République apporte un démenti par rapport à une vidéo de la radio britannique BBC qui montre un flot de sang coulant d'une parcelle située à l'avenue Nwarane de la zone urbaine de Kinindo au numéro 76. Dans une conférence de presse ce mercredi, Sylvestre Nyanoui affirme que le liquide montré dans la vidéo n'est que du sang de chèvre abattu par un musulman voisin de la maison. Le procureur général de la République souligne que cette maison est gardée par des policiers et non pas des agents du service national de renseignement. Le point avec Mireille Kanyang. Le liquide montré dans la vidéo n'est que du sang de chèvre abattu par un musulman voisin de la maison. Du sang de chèvre d'un voisin musulman, dit le procureur général de la République, se basant sur les déclarations de ce musulman et les voisins. Il nie également l'existence de prisons clandestines. Le liquide montré dans la vidéo n'est que du sang de chèvre abattu par un musulman voisin de la maison lors de la fête d'El Aïd. Comme l'a déclaré lui-même, ses domestiques qui ont abattu ses bêtes ainsi que les voisins. Quant aux prisons dites clandestines disséminées dans divers coins du pays, dont il est fait état dans la vidéo, les auteurs de la vidéo l'affirment sans apporter la moindre preuve de leur existence. Ils confondent les postes de police et certains services étatiques avec les prisons, alors que celles-ci sont implantées dans des localités officiellement connues. Une vidéo réalisée en décembre 2016 par la BBC, le procureur général de la République, Sylvestre Nyanoui, établit un lien entre une saisie d'armes dans cette maison, 676 avenue Nwarane à Kinindo, et une tentative d'assassinat d'un député. La maison décrite dans la vidéo est pour le moment gardée par la police et aucun agent du service national de renseignement n'y est présent. Une mesure qui a été prise après la saisie d'une grande quantité d'armes à feu dans cette maison en date du 27 novembre 2015. À cette date, une tentative d'assassinat a été perpétrée contre l'honorable Zenon Daruvukanye, élu de la circonscription de Bujumbura, et consécutivement à cette tentative d'assassinat, des personnes avaient été appréhendées et une des personnes arrêtées avait révélé cette cache d'armes. Interrogé sur cette sortie médiatique, alors qu'il y a un organe de régulation des médias, Sylvestre Nyanoui répond qu'il était de leur devoir de réagir. La BBC a fait un reportage sur des faits dont un dossier a été ouvert par le parquet général et dont les juridictions ont eu à connaître. Les juridictions ont déjà rendu un jugement sur cette affaire. Donc, si la BBC a fait un reportage sur un dossier que nous avons traité, il était de notre devoir de réagir. Quant à l'identité d'un agent du service national de renseignement pointé du doigt dans cette vidéo de la BBC, le procureur général de la République précise qu'il est connu et qu'il a la qualité de PJ. Des poursuites judiciaires contre la BBC? Ça, je ne peux pas l'affirmer, mais on verra ce qu'il faudrait faire. Mireille Kanyang, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, se dit préoccupé par les relations malsaines entre le Rwanda et le Burundi. Lors du lancement du projet de l'Union européenne sur la paix et la sécurité dans les pays membres de la CIRGL, Saïd Djinit fait savoir que cette question a été confiée au président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, mais l'ambassadeur français au Burundi se demande si ce président est mieux placé pour résoudre cette question. Une décision prise par le sommet des chefs d'État de la région, répond Djinit, Elinibel Nibigira. L'ambassadeur Nzakari Muburi Muita, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dans son discours d'ouverture du lancement du projet de l'Union européenne sur la paix et la sécurité dans les pays de la CIRGL, il évoque la question des relations burundo-rwandaises. À ce sujet, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU à la CIRGL renseigne que la question se trouve dans les mains du président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, en même temps président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le Rwanda et le Burundi, moi en tant qu'envoyé spécial des Nations Unies, nous sommes très préoccupés par un certain nombre de situations, de relations détériorées entre certains pays de la région. Il y en a d'autres, mais en particulier entre le Rwanda et le Burundi. Nous avons attiré l'attention de cette situation auprès du président Sassou Nguesso. Certaines consultations ont été faites, mais malheureusement sans succès. J'ai l'intention d'aller voir le président Sassou Nguesso pour l'entretenir sur la suite qu'il convient de prendre par rapport à ce mandat qui lui a été confié par les chefs d'État à Kampala. Cependant, l'ambassadeur de la France au Burundi reste sur sa soif. Laurent Delahousse se demande si la CIRGL, présidée par le président Denis Sassou Nguesso, occupe une bonne position pour régler cette question. On voit effectivement un certain nombre de difficultés au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Pensez-vous que la CIRGL soit mieux placée compte tenu de sa composition plus large et de la participation d'acteurs qui ne sont pas directement impliqués dans ces difficultés régionales pour contribuer à régler ces problèmes? Ou pensez-vous qu'il faille monter plus haut pour avancer dans le cadre de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs? Saïd Djinnit répond que la tâche lui a été attribuée par le sommet des chefs d'État de la CIRGL tenu à Kampala. Pour exécuter ce projet régional sur la paix et la sécurité, l'Union européenne a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros. Merci Nibel. L'organisation locale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités plaide pour la mise en place d'un fonds pour appuyer les jeunes dans les initiatives de développement. Dans un atelier de plaidoyer ce mercredi, Eugène Hategekimana, consultant socio-économique de la PARSEM, qui a mené une étude pour ce plaidoyer, indique que l'accès au crédit pour les jeunes est un obstacle pour la création de l'emploi. Il demande que même le taux à ces crédits soient préférentiels. Suivez. Il faut que quand même les jeunes sachent bien monter de bons projets, de projets bancables, mais aussi des projets rentables. Cet esprit d'entrepreneuriat que les jeunes n'ont pas jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut que maintenant les jeunes changent de mentalité pour que les banques aient confiance à eux, pour que les bailleurs aient confiance à eux. Le fonds de garantie, c'est ça que aussi j'ai proposé comme alternative. Parce que des fois, les banques refusent les projets des jeunes parce qu'il n'y a pas de garantie. Alors ce fonds-là de garantie venait quand même, je dirais, assurer à ce que les jeunes aient accès au crédit au niveau des banques. Mais là aussi, ce ne serait pas vraiment un fonds qui va donc garantir les faillites. Il faut que les banques et le fonds donc mettent en place un organe de suivi, un organe d'études et d'analyse des projets des jeunes. Pour le moment, les banques sont réticentes donc pour accorder le crédit aux jeunes. Et nous pensons qu'en disponibilisant ce fonds spécifique pour les jeunes auront accès facilement donc au crédit, mais aussi donc à des taux préférentiels, des taux bas par rapport à ce que donc donnent les banques, demandent les banques. Isanganiro. Radio Isanganiro, nous poursuivons avec ce journal. Certaines stations-services situées au nord de la capitale, Bujumbura, souffrent du manque de carburant. Des pompistes trouvés sur place indiquent que l'essence est plus ou moins disponible par rapport au mazout, qui est presque inexistant. Ils demandent aux autorités habilitées de prendre en main cette question. Les précisions de Vestine Boutoï, qui s'est rendue sur le lieu. Sur certaines stations-service se trouvant au nord de la capitale et du Burundi, l'accès au carburant est difficile. Par exemple, à la station-service Mogas, située tout près du boulevard du 28 novembre et quartier Kigobe, les pompes sont sèches. Certains pompistes rencontrés sur place, apparemment tristes, disent qu'ils n'ont plus du carburant du type essence depuis ce lundi. Ils expliquent qu'ils ne savent pas à partir de quand ils seront servis. Ces pompistes craignent les conséquences qui pourrait surgir si la situation persiste. Ils indiquent qu'actuellement, ils sont désœuvrés alors qu'ils doivent nourrir leur famille. Dans ce cas, ils affirment que la pauvreté est inévitable si rien ne change. Pour eux, le carburant du type mazout est devenu une rareté, puisqu'il n'existe plus sur presque toutes les stations-service. Sur 3 stations-service, Kobyle, se trouvant entre le rond-point du Gare du Nord et la 14e avenue, communément appelée Koudiaba Farasa, il n'y a plus aucun type de carburant. La station-service Kobyle, située tout près de la route à l'envers Gasseni, s'est transformée en garage car plusieurs véhicules y sont garés. Sur la station Top 7, il n'y a plus d'activité, sauf celle du commerce qui s'effectue dans les infrastructures de la dite station-service. Même si la situation se présente ainsi, il y a des stations-service où le carburant n'est plus un problème. C'est le cas de la station-service City Oil, se trouvant à Kigobe, tout près de la banque de crédit de Bujumbura BCB, où les gens étaient en ligne pour avoir du carburant du type essence. Il y a aussi la station-service Interpétrole qui offre des services à leurs clients depuis hier. Les propriétaires des stations-service n'ayant pas du carburant demandent aux autorités habilitées de prendre en main cette situation. Et au nord, la pénurie du carburant en province de Kirundo a occasionné la montée du prix de transport. Sur l'axe Kirundo-Ngozi, par exemple, les prix du ticket sont passés. Le prix du ticket est passé de 5 000 à 6 000 francs burundais. Les conducteurs de véhicules demandent l'intervention des autorités concernées pour que le problème soit résolu. Agnès Naumagazé depuis Kirundo. La province de Kirundo assiste à une pénurie du carburant depuis 4 jours. Le prix du carburant varie entre 3 500 francs bou à 4 000 francs bou au marché noir. Cette pénurie a occasionné la montée des prix des transports, là où le prix de transport Kirundo-Ngozi est passé de 5 000 francs bou à 6 000 francs. Les passagers ne se déplacent pas à la normale. Le constat est que, sur le parking, il y a peu de véhicules de transport, car certains propriétaires de véhicules préfèrent garer leur véhicule au lieu de travailler à perte. D'après les pompistes du carburant sur les stations de Kirundo, ils attendent d'être servis pour servir à leur tour aux consommateurs. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès. Les habitants de la zone urbaine de Wuyenzi demandent une réhabilitation des conduits de déchets issus des toilettes. Ils expliquent que pas mal de regards publics sont bouchés et ces déchets qui se déversent dans différentes avenues dégagent une odeur désagréable, ce qui, selon ces habitants, pourrait être à l'origine des maladies des mains sales. Placide Niomungere. Dans cette zone urbaine de Wuyenzi, ces regards publics qui laissent couler des déchets issus des toilettes sont situés dans plusieurs allées de l'intérieur de ce quartier, communément appelé des zéros. C'est le cas du 030 de la 17e avenue, 030 de la 18e avenue, 040 de la 15e avenue, pour ne citer que cela. Ces déchets qui se déversent à couleur verte dégagent une odeur désagréable selon celui-ci. Plein de ces déchets, ces regards laissent couler, c'est tout qui dégage une à sentir cela, nous qui sommes tout près de ces fouilles, nous risquons d'attraper des maladies des mains sales. Pour cette dame, dont ce regard se localise à moins de 2 mètres de son habitation, à côté de celui-ci, elle vend de la farine et de l'huile de palme. Plein de désespoir, cette dame explique qu'elle ne parvient pas à dormir la nuit. Si c'est presque le centre de tous ces déchets de toilettes de la zone de Yenzi, cette situation date de plus de 2 ans. Tous les errants, la situation est pareille. Je ne parviens pas à dormir la nuit. Il faut que les sétémoutes interviennent. Même son de cloche de la part de cette vendeuse empilante. Ces puits sont éparpillés dans tout le quartier, ce qui fait que l'odeur se fait sentir presque partout, nous explique. Là où tu passes, c'est cette odeur qui se fait sentir. Je ne vois pas pourquoi les services concernés ne s'occupent pas de ces cas, parce qu'on risque d'attraper le choléra. Tous les chefs de quartier sont au courant de cette situation, mais ils disent qu'ils sont incapables, faute de moyens. Que le président intervienne aussi, car nous sommes ses enfants. Contacté à ce propos l'administrateur zonal de Bouyenzi, la secrétaire nous a avoué que le chef de zone n'est pas disponible. Contacté par téléphone, le chef de zone, via sa secrétaire, nous a dit qu'on le cherche ultérieurement. Merci Placide. En province de Karoussi, des mesures ont été prises pour inciter les gens à se faire vacciner en masse contre la méningite. La présentation de la carte de vaccination est en effet exigée dans les établissements scolaires, faute de quoi l'élève n'est pas autorisé à faire les examens. La même carte de vaccination est exigée dans les structures de santé, voire au marché. La campagne de vaccination contre la méningite qui avait débuté le 4 sera clôturée ce jeudi 13 décembre. Il est prévu une campagne de vaccination de tous les chiens errants en province de Bubanza ce jeudi et vendredi. Tous les habitants proches du chef-lieu de la province sont recommandés à amener leurs chiens dans un endroit qui leur sera indiqué. Un chien qui ne sera pas vacciné sera abattu et c'est le propriétaire qui supportera les charges selon le communiqué sorti par la direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Et puis, les habitants de Makamba au sud du pays se disent satisfaits de la mise en place de la cour d'appel de Makamba. Selon eux, certains dossiers fixés à la cour d'appel de Bururi étaient abandonnés faute de moyens. Seulement, ils demandent aux magistrats qui vont y prester de travailler dans le respect de la loi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Bitariho. We'll be right back.